Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1882, les lecteurs peuvent découvrir le monde du XXe siècle. Ils le découvrent au rez-de-chaussée, c'est-à-dire en bas de la page d'un journal sous forme de feuilleton. Le XXe siècle est signé Albert Robida et cette vision futuriste paraît l'année suivante, en 1883, dans un ouvrage avec des textes et des dessins formidables de Robida. Il y est question d'aéronefs, omnibus, de trains tubes. Le mois de septembre 1952 touchait à sa fin. L'été avait été magnifique, le soleil calmant ses ardeurs. De Messidor dégageait maintenant ses tièdes et caressantes effluves. Ah, c'est toujours un plaisir de visiter la manière dont nos ancêtres imaginaient leur propre futur, c'est-à-dire tout simplement notre présent. Jean-Louis Cohen, bonjour. Bonjour. Comment les hommes du passé voyaient-ils leur futur? C'est ce qui nous intéresse toute cette semaine dans le cours de l'histoire. Vous êtes architecte, historien de l'architecture, de l'urbanisme. Dites-moi, l'architecte est toujours un peu en train d'imaginer le futur, au sens où quand il fait un plan, le bâtiment n'est pas encore construit. Il imagine ce que ce bâtiment va devenir, un bâtiment en plus qui est fait pour durer. L'architecte prévoit toujours le futur, non? Absolument, c'est une discipline qui se projette vers l'avenir, et qui projette non seulement des murs, mais je dirais des pratiques, qui projette des espaces destinés à être utilisés, ce qui suppose donc que les architectes, j'entends les meilleurs d'entre eux, aient une vision prospective de la société et des changements vers lesquels elle s'oriente. Oui, avec cette idée que le bâtiment, puisqu'il est fait pour durer, doit s'adapter à l'évolution de la société. C'est quelque chose qui doit être pris en compte sans cesse. Caroline Kraus, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice du patrimoine, spécialisée dans l'art du XXe siècle et plus récent du XXIe siècle. Et vous réfléchissez, vous aussi, à ce poids de l'architecture dans la vision du futur. Cette manière de se projeter dans le futur est partie intégrante, en fait, de la posture de l'architecte. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé avec Yona Friedman, qui effectivement fait partie, comme vient de le dire Jean-Louis Cohen, de ces architectes prospectifs en fait, qui s'interrogent au quotidien sur l'évolution de la société, qui sont des observateurs inlassables du changement, des mutations, et c'est quelqu'un qui a, dès les années 50, annoncé toutes les grandes mutations du XXe siècle, les mutations scientifiques, les mutations de la famille. Il a fait plein de propositions pour adapter l'architecture à ces transformations. Des propositions qui sont souvent restées à l'état du projet, bien évidemment, parce que il y a une part utopiste dans son travail, mais aujourd'hui on peut voir que certains projets qu'il a formulés dès les années 58 commencent à s'incarner. Peut-être qu'on en parlera dans le cours de notre échange. Nous en parlerons dans le cours de notre échange et dans le cours de l'histoire. Le futur est possible pour l'architecte, mais l'architecte est-il un prophète? Allez, retour en 1964. Oui, 1964 sur l'ORTF avec le journaliste Jean-Louis Roger. Qu'est-ce que sera l'an 2000? L'an 2000. Quel visage sera l'an 2000? Il y a quelque chose d'un peu magique dans cette expression-là. L'an 2000, pour nous, ça veut dire la concrétisation d'un peu tous nos rêves, tous nos espoirs, de tous nos désirs. C'est un peu, au fond, quelque chose qui ressemblera à l'âge d'or, si vous voulez. Mais il y a une différence, par exemple, avec ce que pensaient les hommes il y a 300 ou 400 ans. Un homme, il y a 300 ans, ne cherchait pas à prévoir l'avenir, car il savait que l'avenir serait très probablement très semblable à la vie quotidienne qu'il avait à ce moment-là. Aujourd'hui, on sait que, en l'an 2000, ça sera différent d'aujourd'hui. On le sait pourquoi? Parce que il y a les progrès techniques, il y a les progrès scientifiques, et puis on le sait parce que il suffit de se promener dans Paris ou dans le monde qui est autour de nous, avec un œil un peu neuf, pour se rendre compte que l'an 2000 y est déjà. L'an 2000 est déjà parmi nous, mais c'était en 1964. Archive intéressante. Dites-nous, Jean-Louis Cohen, vous êtes l'auteur de l'architecture au futur depuis 1889, et puis là plus récemment, de construire un nouveau monde, l'américanisme dans l'architecture russe. Dans cette réflexion que nous venons d'entendre, dans cette petite archive de 1964, il y a l'idée qu'il faut une bascule pour que l'architecte commence à réfléchir au futur. À quel moment les architectes se sont dit « nous allons transformer le monde, changer notre architecture pour un monde qui évolue » ? Écoutez, je crois que c'est une préoccupation que les architectes commencent à formuler dès la fin du 19e siècle. Ils commencent à dessiner des villes théoriques, des métropoles verticales ou des villes étendues sur des territoires considérables, mais ils le font avec le crayon à la main, je dirais, alors que beaucoup d'écrivains ou d'écriveurs se sont posé cette question. Je remonterai peut-être au plus ancien d'entre eux, à Sébastien Mercier. En 1772, il publie un livre, d'ailleurs interdit, imprimé à Amsterdam, intitulé « L'an 2440, rêve s'il en fut jamais », où il imagine, il se fait en quelque sorte le prophète de la Révolution. Donc vous voyez, 1772, ces ouvrages imaginant la ville de l'avenir s'accumulent à partir des années 1830. Le Saint-Simonien Duverrier imagine la ville nouvelle ou le Paris des Saint-Simoniens en 1832. Victor Fournel, Paris nouveau et Paris futur en 1865. Un médecin, Tony Moilin, Paris en l'an 2000 déjà, hein, mais en 1869, pas en 1964. Vous avez parlé de Robida. Et je parlerai de deux livres d'anticipation à dimension socialisante qui ont été très effectifs pour les architectes et pour les réformateurs de tout poil au XXe siècle. Celui d'Edward Bellamy, Looking Backward, 1887, donc un livre qui considère rétrospectivement les évolutions imaginées depuis la fin du XIXe, traduit en français sous le titre L'an 2000, évidemment, Les Nouvelles de Nulle Part, du socialiste et artiste anglais William Morris, publié en 1890. Donc, vous voyez qu'il y a un corpus de réflexion sur la ville de l'avenir dans lequel, finalement, les architectes semblent parfois à la traîne par rapport à ces prophètes. Les architectes à la traîne. Jean-Louis Cohen, vous êtes architecte, vous êtes donc historien de l'architecture, professeur invité au Collège de France, professeur d'histoire de l'architecture à l'Institute of Fine Arts de New York University. Et quand vous publiez l'architecture au futur depuis 1889, ce choix de la date nous interroge. Pourquoi 1889 ? Alors, ce titre qui m'a été imposé par l'éditeur, je ne l'avais pas choisi et qui finalement se révèle plutôt efficace, vous en fournissez la preuve aujourd'hui. 1889, c'est la grande exposition qui célèbre à Paris le centenaire de la Révolution française avec la Tour Eiffel évidemment, mais aussi la Galerie des Machines avec la féerie de l'électricité et qui donne donc l'image de la grande ville transformée par les technologies nouvelles, par l'acier, par l'électricité, par la chimie moderne. C'est cette ville que les architectes perçoivent comme devant irrévocablement se transformer pour entrer dans cet âge industriel. Mais quelle ville imaginent les architectes alors ? La technologie a sa part majeure, évidemment. L'électricité, sans doute, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la ville est complètement revisitée, retransformée dans l'imaginaire des architectes. Alors, je dirais qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a deux problématiques principales. La première est celle de la décentralisation urbaine. L'idée que la grande ville peut et doit disparaître, un peu sur le modèle de ce que prédit Morris, qui décrit un Londres redevenu campagnard, animé par la force invisible de l'électricité. Et j'en prendrai l'exemple le plus éclatant, c'est le pamphlet d'Ebenezer Howard, publié en 1898, Tomorrow, a peaceful way to social reform. Demain, une voie pacifique vers la réforme sociale, donc pas éviter la révolution, republié sous un titre plus éloquent un peu plus tard, Les cités jardins de demain. Donc c'est la première position. La grande ville est mauvaise, la campagne est aussi ennuyeuse et plate. Il faut trouver un troisième terme, et ce terme, c'est un oxymore, la cité jardin, et ce sera certainement la doctrine d'urbanisme la plus efficace et la plus je dirais, populaire tout au long du XXe siècle, puisqu'elle est au fond à l'origine des grands ensembles qui en sont une sorte de trahison, mais qui malgré tout s'insèrent dans cette continuité. Donc ça, c'est la vision décentralisatrice. Et puis, il y a la vision hypercentralisatrice de la métropole mécanisée, d'une métropole qui est essentiellement définie par les infrastructures, par les métros, par les trains, par les routes, plus tard par les aérodromes. Cette métropole dense dans laquelle la vie devient une vie plus intense et plus rapide, et l'alternative est celle que des architectes comme Le Corbusier, par exemple, vont essayer de formuler et de rationaliser. Jean-Louis Cohen, effectivement, dans notre imaginaire, si nous demandons, mais quelle ville du futur pouvaient imaginer nos ancêtres? Nous imaginons cette ville extrêmement dense, avec des immeubles très hauts, avec des réseaux de communication, pourquoi pas des voitures volantes, mais vous insistez bien sur la ville-jardin comme un élément essentiel de cette réflexion. Écoutez ce qu'écrivait Eugène Hénard. Nous étions en 1910 dans ses études sur les transformations de Paris. De toutes les obligations qui doivent préoccuper la municipalité d'une ville à croissance continue, l'une des plus impérieuses, pour le bien-être et surtout la santé de tous les habitants, est la création des espaces libres nécessaires à la vie extérieure de la cité. Les larges surfaces plantées d'arbres et d'arbustes, au milieu des agglomérations urbaines, sont indispensables à l'hygiène publique, au même titre que l'eau et la lumière. Un parc est une réserve d'air pur, et les arbres qui l'environnent et le protègent forment un filtre naturel très efficace pour arrêter la poussière malsaine des rues et assainir l'atmosphère. C'est le seul endroit des villes où l'on puisse respirer à l'aise. C'est le seul où la santé des enfants puisse se fortifier ou se développer. C'est un élément incontestable de calme et d'apaisement. Eugène Hénard, étude sur les transformations de Paris en 1910, lu par Olivier Martineau. Jean-Louis Cohen, la place de l'hygiène, de l'espace vert est très importante dans la conception des villes du futur. Et ça, c'est à prendre en compte de manière essentielle. Ce n'est pas une question d'architecture uniquement, la ville de futur. Il faut rappeler que l'architecte lui-même ne se cantonne pas à construire le bâtiment. C'est un tout, c'est un univers où le social doit avoir vraiment sa place. En effet, la pensée architecturale du XXe siècle, c'est une pensée qui se déploie à l'échelle des villes. Donc, c'est le début du XXe siècle, c'est le moment où cette nouvelle discipline que l'on appelle le Städtebau, la construction des villes en Allemagne, ou l'urban planning, ou l'urbanisme en France s'impose. Et donc, l'échelle des projets change. La vision de la rationalité urbaine change aussi. Vous parliez, Hénard évoque les espaces verts dans ce texte, mais Hénard est un des grands prophètes de la mécanisation des villes. Il dessine la coupe idéale de la ville du futur comme étant celle d'une ville avec un sol artificiel sous lequel circulent les métros et les automobiles. Il est le premier à prendre la mesure du développement de l'aérostation et de l'aéronautique et imagine sur les toits de ces immeubles des pistes d'atterrissage pour ce qu'il appelle des avions abeilles qui sont les ancêtres des hélicoptères. Donc il y a toujours cette tension entre les techniques, les réseaux, la densité et l'idée de l'aération. L'hygiène, qui est un grand registre des politiques sociales au début du XXe siècle dans toute l'Europe occidentale, l'hygiène commande à ce que, par exemple, cette rue corridor, cette rue étroite que condamne Le Corbusier, soit éliminée et à ce que les édifices se dressent perdure. C'est une préoccupation hygiéniste qui se manifeste aussi évidemment dans le développement des cités-jardins de la région parisienne et d'ailleurs. Hein, j'en profite pour évoquer le scandale actuel très présent qui est la menace de destruction pesant sur la plus belle de ces cités-jardins qui est celle de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Ces opérations réalisées dans les années 20-30 sont des chefs-d'œuvre préfigurant ce que les réformateurs sociaux imaginaient pour l'avenir des grandes villes. Ben restons à Châtenay-Malabry, Jean-Louis Cohen, avec cette cité-jardin forestière de la Butte Rouge. Quel était ce projet d'ailleurs? Qu'est-ce qu'une cité-jardin au sens où là nous avons une vision de la ville du futur, mais qui est réalisée. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, est drôlement intéressant. Il y a effectivement cette cité-jardin. Quel était le projet ici ? Alors, le projet de la Butte Rouge s'insère dans un projet d'ensemble pour toute la région parisienne, dont l'artisan est le maire de Suresnes, le maire SFIO de Suresnes, Henri Cellier, qui sera ministre précisément de la Santé publique sous le Front populaire. Et il imagine que la croissance de Paris se fasse non pas par des banlieues de pavillonnaires, de mal lotis, mais par des ensembles rationnels, des ensembles paysagers, dans lesquels classe ouvrière et intellectuelle cohabiteraient. C'est un projet, je dirais, interclassiste, comme disaient les Italiens dans les années 70. Alors Châtenay, les architectes Bassompierre de Ruté-Sirvin, le paysagiste Rius, installent les habitations dans la forêt. Donc c'est aujourd'hui on appellerait ça pompeusement un éco-quartier, mais c'est effectivement un lieu où l'habitation est au contact d'une nature légèrement redessinée et où je dirais des conditions de vie tout à fait harmonieuses apparaissent pour une population qui a accès aux transports en commun et qui est donc intégrée dans le marché du travail parisien. Cellier et son office d'habitation de la Seine vont réaliser une bonne douzaine de cités qui vont des plus pittoresques avec leur architecture anglo-normande au plus fonctionnaliste, au plus radical comme celle de Drancy par exemple, de Drancy-la-Muette. Le fonctionnalisme, la réflexion sur l'utilisation même de la ville fait partie de cette réflexion sur la ville du futur. Caroline Cross, conservatrice du patrimoine. Donc vous êtes dans une réflexion qui vous a conduit à faire un documentaire consacré à Yona Friedman avec Antoine Deroux. Déjà, il faudrait peut-être nous présenter qui est Yona Friedman. Oui, tout à fait. Alors c'est un architecte né en 1923 en Hongrie qui a connu la période de la guerre, qui a été arrêté par la Gestapo et qui est parti vivre en Israël où il a continué ses études. Il a rejoint un kibboutz, il a vécu des moments assez difficiles. C'est là qu'il explique très bien que c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de l'architecture de survie. Il a dédié un ouvrage à cette question-là, vivre avec ce qu'on pouvait trouver, recycler du matériel, vivre simplement. Et puis il est revenu en Europe et il s'est installé à Paris en 1958. Il a vécu toute sa vie à Paris dans le 15e arrondissement avec sa seconde femme. Et là, une fois installé à Paris, il a croisé les critiques d'art, les théoriciens les plus influents de son époque, dans les années 58-60, Michel Ragon, Pierre Restany. Il a connu aussi bien des artistes que des... Bien sûr, il a rencontré Le Corbusier, il a travaillé un peu avec Jean Prouvé. Et puis, il a développé toute une réflexion philosophique. Je dirais que c'est un architecte sociologue, un philosophe, un penseur, un théoricien. Et nous avons, nous sommes allés le voir à l'époque. Je travaille pour le ministère de la Culture. Nous sommes allés le voir pour... voir son atelier parisien qui existe donc qu'il a développé, dont il habite un appartement social dans le 15e arrondissement, boulevard Garibaldi, et il a complètement transformé cet appartement. C'était devenu un univers, un monde à lui, un monde complètement différent, féerique, habité par beaucoup de personnages mi-humains, mi-animal, ce qu'il appelle des licornes, qui sont des personnages féeriques. Il est très influencé par les contes, par la mythologie, etc. Et voilà, nous avons commencé à collecter beaucoup de maquettes qui sont rentrées dans les collections publiques françaises, notamment au Centre National d'Art Contemporain. Et puis à la suite de ça, il nous a proposé de faire don de son atelier à l'État, puisque c'était un logement social et que tout ce décor qu'il avait accumulé pendant une quarantaine d'années allait disparaître. Donc voilà, l'État français est propriétaire aujourd'hui, puisqu'il est malheureusement décédé l'année dernière, avant le confinement, de tout ce décor, de tout cet espace qui, j'espère, un jour sera reconstitué à l'identique. C'est une sorte de Merzbau de Schwitter, c'est une sorte de cathédrale avec énormément de motifs. Donc c'est quelqu'un a beaucoup réfléchi sur le devenir et le futur de l'architecture. Il a beaucoup, il a abordé beaucoup de thèmes. Et aujourd'hui, on peut voir des postérités quand même, des réalisations, puisque effectivement, la plupart de ses projets sont restés à l'état de dessin. Il utilisait beaucoup le photomontage, l'écriture. C'est quelqu'un qui avait une facilité d'écriture. Il accompagnait ses textes de petits dessins, de petits cartoons inspirés des bandes dessinées. Mais on peut voir aujourd'hui des architectes ou des institutions et même des modes de vie qui sont l'incarnation de sa pensée. Je pourrais en citer quelques-uns. Il en existe beaucoup quand même. Il en existe beaucoup, avec pour Yona Friedman vraiment une vision de la ville du futur telle que nous nous intéressons à ce sujet aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire qui imagine la manière dont les architectes du passé ont imaginé la ville du futur, bien sûr. Mais dans notre représentation, il y a une table rase et une nouvelle ville est construite, alors que non, la ville du futur se base sur la ville existante. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. De retrouver la musique douce, chaleureuse, presque enveloppante du film Mon oncle de Jacques Tati en 1958. Un film où il y a un jeu sans cesse entre le monde d'avant et le monde d'après. Jean-Louis Cohen, dans la construction de la ville ou dans la vision d'une ville imaginaire, l'architecte en réalité ne part pas d'un terrain vierge. Il y a aussi la volonté de transformer la ville existante. Qu'est-ce qui est réfléchi à ce moment-là? Que transformer, mais que conserver et qu'oublier? Restons-en, si vous voulez, à ce moment où Tati écrit son film et confie à l'artiste Jacques Lagrange, qui est son complice depuis les vacances de Monsieur Hulot, depuis jour de fête pratiquement, et lui confie le soin d'imaginer cette maison moderne dans laquelle, comme on s'en souvient, tout communique et qui s'oppose à son... au Galta, où Hulot habite. Du second après-guerre, que ce soit en France ou dans le reste de l'Europe, après l'épreuve de la guerre, ont une attitude double. Certains d'entre eux ont pour la première fois une nostalgie pour les quartiers anciens, voire, c'est ce que j'ai montré dans un livre que j'ai publié il y a quelques années sur l'architecture pendant la guerre, une affection pour les ruines, et pense que les ruines de la guerre doivent en telles être préservées. Donc c'est le moment où commence un véritable souci de la préservation pour l'avenir des quartiers anciens. Le secteur sauvegardé du Marais à Paris est créé en 64, hein, au moment où, dans le même temps, on rêve à l'an 2000. Et puis, par ailleurs, il y a l'idée qu'enfin la grande industrie, et je cite un des multiples slogans de Le Corbusier, inépuisable rhéteur, il y a aussi l'idée que la grande industrie va enfin s'emparer du bâtiment et que la ville pourra être produite de manière systématique et industrielle. Et c'est là qu'on peut sans doute situer Friedman aussi. Friedman imagine ce qu'il appelle la ville spatiale, qui est une sorte de nappe qui flotte au-dessus des villes existantes. Il la dessine à New York ou à Paris. Cette ville spatiale, cette ville en lévitation qui avait été annoncée par Hénard au début du XXe siècle, c'est celle que l'on réalise avec la dalle de la Défense, avec tous les decks des projets anglais. Il y a l'idée que l'on peut à la fois conserver des îlots historiques et dans le même temps s'affranchir des pesanteurs terrestres en imaginant une ville qui flotte. C'est ce qui sera fait aussi avec le quartier Beaugrenelle à Paris, et ou la Part-Dieu à Lyon, quartier qui aujourd'hui pose d'infinis problèmes de gestion et d'habitabilité. Une ville qui flotte, mais Caroline Kraus, dans la réflexion de Yona Friedman, ces métropoles hors sol, mais écoutez, je vais vous le dire, sont difficiles à imaginer. Qu'est-ce que sont des métropoles hors sol? Comment ça fonctionne? Alors, un des projets qui s'est incarné, je trouve, et qu'on peut citer, c'est par exemple, Yona Friedman avait écrit très tôt dans les années 60 au prince Rainier à Monaco, en lui disant que le territoire était trop petit, et il lui proposait d'ores et déjà dans les années 60, avec des photomontages, parce que Yona Friedman prenait souvent des cartes postales, des sites sur lesquels il projetait sa nappe architecturale, et il avait proposé au prince Rainier à l'époque donc d'agrandir le territoire monégasque sur la mer. Et aujourd'hui, on voit bien que ça s'incarne, puisqu'il y a actuellement, depuis déjà 2-3 ans, la principauté est en train de construire, d'élargir son territoire sur l'eau. Donc à chaque fois, ce sont, si vous voulez, des visions, des intentions. Il ne faut pas prendre ça forcément au pied de la lettre, mais ce sont des intentions qui s'incarnent peut-être par fragments, par étapes. C'est peut-être pas dans un esprit maximaliste qu'il faut voir les choses, mais voilà, des intentions qui prennent parfois 2-3 générations et puis qui peuvent s'incarner. Après, Friedman a imaginé aussi la notion de ville. Dans la ville spatiale, il y a beaucoup la notion de mobilité. Une des choses qui lui tenait à cœur, c'était qu'à l'intérieur de cette nappe architecturale, de cette grille, qui était à la fois fonctionnelle et qui abritait des outils fonctionnels et qui était aussi contenante d'espace de vie, d'espace domestique, il entendait que les usagers, les habitants puissent modifier leur intérieur à leur guise. Un des grands apports de sa réflexion, c'est de dire que si on a envie tout d'un coup d'installer sa salle de bain dans sa cuisine ou de mettre son bureau dans une autre partie de son intérieur, il faut pouvoir le faire sans solliciter un professionnel de l'architecture. Il faut pouvoir avoir cette réversibilité immédiate. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit avec ce qu'on est en train de vivre, que finalement, ce sont des choses qu'on fait en pratique. On est beaucoup plus mobile dans notre habitat, etc. Donc, il a voilà, incarné des ouvertures, des projections qui aujourd'hui prennent corps, je trouve. Alors, c'est pas dans un esprit maximaliste, bien sûr. C'est à chaque fois des échantillons, des fragments bon, il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais cette notion de mobilité dans l'architecture est essentielle. Et je veux juste citer les éditions de L'Éclat qui viennent de publier, qui ont publié tous les textes de Yona Friedman, puisqu'il a énormément écrit. Il était très prolixe. Ils viennent de publier son dernier ouvrage, L'architecture mobile, qui est sorti là très récemment, mais que les auditeurs peuvent éventuellement télécharger en ligne, qui est entièrement accessible en ligne. C'est un ouvrage de 400 pages que Yona Friedman a amendé jusqu'à son décès l'année dernière, avec un nouveau concept, le concept de ville dispersée aussi, c'est-à-dire que un peu avant le confinement, il a expliqué que finalement on pouvait vivre avec cette idée de meuble plus. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça sans image, mais le meuble plus, c'est un espace pas très grand dans lequel vous occupez une fonction. C'est un espace de vie qui correspond en maquette à un format d'une boîte chaussure rectangulaire, et dans cet espace vous avez une fonction dédiée. Et il imaginait très bien que dans le futur les habitants auraient ce type d'espace relié à une infrastructure cloud, une infrastructure en nuage qui les connecterait avec l'extérieur pour l'électricité, pour la communication, et que la ville peu à peu deviendrait une ville beaucoup plus dispersée. Elle tendrait vers une grande globalité. C'est un peu ce qu'on vit quelque part avec la pandémie, d'autres modes de vie, et le fait que l'hypercentre devient quelque chose de moins attractif au bénéfice donc d'une ville qui s'étale et qui redevient dispersée. C'est un projet qu'il a développé vraiment, excusez-moi, juste avant son décès, je trouve, et qui est assez aussi visionnaire de ce qu'on est en train d'expérimenter. Oui, Caroline Cross, effectivement, parce que vous avez commencé votre réponse en parlant de vision, d'intention, ce qui est extrêmement juste. Et puis, en développant, on se rend compte que ces visions, ces intentions s'inscrivent dans la réalité, notamment la densification de la population, qui jusqu'alors pouvait être considérée comme une solution à l'augmentation de la population de grands immeubles et qui pose aujourd'hui des problèmes et, disons-le autrement, des ravages Barjavel. Les studios de Radio 300 étaient installés au 96e étage de la Ville Radieuse, une des quatre villes hautes construites par le Cornemusier pour décongestionner Paris. La Ville Radieuse se dressait sur l'emplacement de l'ancien quartier du Haut-Vaugirard, la Ville Rouge sur l'ancien bois de Boulogne, la Ville Azur sur l'ancien bois de Vincennes et la Ville d'Or sur la butte Montmartre. L'air, le sol, les murs vibraient d'un bruit continu, bruit des 100 000 usines qui tournaient nuit et jour, des millions d'autos, des innombrables avions qui parcouraient le ciel, des panneaux hurleurs de la publicité parlante, des postes de radio qui versaient par toutes les fenêtres ouvertes leurs chansons, leur musique et les voix enflées des speakers. Tout cela composait un grondement énorme et confus, auquel les oreilles s'habituaient vite, et qui couvrait les simples bruits de vie, d'amour et de mort des 25 millions d'êtres humains entassés dans les maisons et dans les rues. René Barjavel, Ravage, 1943. Barjavel écrit Ravage, sans S, en 1943, avec cette idée d'une ville qui est terrifiante, évidemment terrifiante, Jean-Louis Cohen. Dans cette vision future de la ville, nous avons ces deux voies que vous nous avez expliquées. La cité-jardin, une ville plutôt pacifiée. Et puis, il y a l'angoisse un peu de métropolis, la ville qui fait peur. L'architecte évolue entre ces deux mondes. Vous publiez Construire un monde nouveau. C'est même beaucoup plus sobre, enfin malin le titre. Construire un nouveau monde, c'est l'américanisme dans l'architecture russe. Mais déjà, qu'est-ce que l'américanisme ? Je vous pose la question parce que bien souvent, la ville du futur, dans l'imaginaire, nous rapporte aux États-Unis, le monde des gratte-ciel. Alors, je pourrais partir d'un livre que l'on lisait dans les écoles élémentaires quand j'étais enfant, le livre de Georges Duhamel, publié en 1930, intitulé « Scènes de la vie future ». C'est un livre que Duhamel avait publié à son retour des États-Unis, où il montrait l'Amérique comme étant une scène extrêmement angoissante. Le livre sera traduit en anglais sous le titre « L'Amérique, la menace ». Donc, à la fin du 19e siècle, se produit une sorte de chiasse tout à fait intéressant. Les États-Unis, après la guerre civile, imaginent que leur avenir va être européen. Et les projets d'aménagement de New York ou de Washington, par exemple de Chicago, sont inspirés par Vienne, Paris, voire Rome. Dans le même temps, les Européens se convainquent que, au fond, leur avenir est de ressembler à l'Amérique, et que l'Amérique préfigure ce que vont être les villes européennes, que les gratte-ciel, les réseaux mécaniques de New York montrent ce que seront Berlin ou Paris dans l'avenir. Et cette perception d'un avenir identifié aux États-Unis, qui m'obsède depuis trop d'années d'ailleurs, elle est partagée par beaucoup des États européens, elle sera plus tard partagée par des nations asiatiques, elle l'est aujourd'hui. Je me suis intéressé à la relation la plus paradoxale dans cette perspective, qui est celle des Russes avec l'Amérique, puisque la rivalité entre la Russie et l'Amérique que Tocqueville avait génialement prévue, imaginé dans son livre sur la démocratie en Amérique, cette rivalité, elle masque parfois le fait qu'il y a une asymétrie tout à fait extraordinaire, que si les Américains n'ont jamais, même les plus fanatiques des communistes américains n'ont jamais pensé que l'Union soviétique pouvait préfigurer l'avenir des États-Unis, en revanche, les Russes, dès la fin du 19e siècle, ont imaginé que Moscou allait devenir un nouveau New York. Et vous parliez tout à l'heure de Robida et de ces délicieuses anticipations florales et mécaniques tout à la fois dans un langage qui était celui de l'Art Nouveau, eh bien, au début du XXe siècle, c'est ce que l'on voit dans les publications russes qui imaginent un Moscou prenant le visage d'un New York avec les bulbes des églises orthodoxes. Et cette problématique sera extraordinairement renforcée dans la période bolchévique où l'idée des nouvelles villes industrielles sera dérivée de l'observation de Detroit ou de Gary, Indiana, dont les architectes et les ingénieurs seront invités par Staline à réaliser des variantes russes de leur projet américain. Avec toute une réflexion sur ce qu'est l'utopie, quand il est question d'architecture et de prévoir les villes du futur, peut-on encore parler d'utopie, Jean-Louis Cohen? Il y a peut-être plus de la réflexion sur les possibles envisageables. Alors plutôt que d'utopie, j'aurais tendance à parler d'uchronie, c'est-à-dire d'une dissolution des représentations conventionnelles du temps, imaginer un autre temps. Je pense aussi qu'il y a dans ces visions de l'avenir en général une sorte d'excès dans le mépris pour la ville existante. Je reprends un propos que vous teniez tout à l'heure. Pour une large part, les villes du futur sont les villes d'aujourd'hui transformées. Réhabiter, je dirais, autrement, bien qu'il y ait aujourd'hui une forte campagne de construction de villes ou d'agglomérations nouvelles, par exemple l'urbanisation absolument sans précédent dans l'histoire de la Chine contemporaine le montre. Donc il y a une production d'un futur urbain dans lequel les démarches les plus imaginatives, celles de cette ville hors sol de Friedman, finissent par d'interprétation en interprétation de rencontrer le sol auquel elle tentait d'échapper. Elle rencontre la réalité, ces villes de Yona Friedman, dites-vous. Caroline Cross, de toute façon, en réfléchissant sur l'architecture et notamment au XXe siècle, nous croisons tout de suite l'art, les artistes. C'est un mouvement beaucoup plus global dans la réflexion de l'esthétique et l'esthétique mis en relation avec le vivre, la fonctionnalité des choses, nous conduit à ces questionnements sur la ville de demain. L'aspect esthétique, artistique est essentiel également. Oui, alors Friedman a beaucoup aussi insisté sur la créativité des individus, des habitants, en essayant de réduire le rôle un peu démiurgique de l'architecte, en incitant les habitants, les usagers à devenir eux-mêmes créatifs. Et il est très influencé à ce moment-là, dans les années 60, par ce livre culte de Johann Huizinga, L'Homo Ludens. C'est un essai sur la fonction sociale du jeu, l'importance du jeu dans les pratiques des individus. Et ce sont des thèmes qui sont repris à l'époque par des mouvements artistiques comme le Nouveau Réalisme, comme un groupe qui s'appelle le GRAVE, le groupe de recherche d'art visuel, Fluxus, évidemment, c'est toute la démarche des représentants de Fluxus, que ce soit Robert Filliou et bien d'autres, Georges Brecht. Donc c'est vrai qu'il y a tout un courant sur la notion de créativité sous forme de jeu, d'expérimentation. Parmi les sources aussi que l'on peut citer pour cette ville hors sol, une des sources que citait souvent Friedman, mon esprit a fonctionné un peu en escalier, c'est la ville, c'est les ponts habités. Friedman a beaucoup évoqué dans les discussions qu'on a pu avoir les ponts habités, le Rialto à Venise, le Ponte Vecchio à Florence, comme des sources possibles pour sa réflexion sur ces villes hors sol, sur ces villes spatiales. Et par exemple, une des incarnations aussi que l'on peut citer, c'est le ministère des Finances de Chemetov à Paris-Bercy, qui est un immeuble, ce que Friedman appelait l'immeuble avec enjambé. Toujours cette notion de enjambé qu'il citait très souvent, ce format-là. Donc on a là une des incarnations peut-être que nos auditeurs peuvent rapprocher pour voir une des possibles incarnations de ces projections spatiales. projection spatiale, mais dans lesquelles il faut vivre. Oui, il y a des immeubles, il faut les habiter. L'architecture, c'est aussi le quotidien des gens. Petit tour en cuisine, mais en cuisine en 1957, qui pense à l'an 2000. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscripteur. Mieux encore, plus de mauvaises surprises sur le premier choix. Par télévision, le boucher vous fera lui-même à domicile ses présentations. Sans doute, cette cuisine de rêve est-elle une anticipation des arts ménagers, mais elle est aussi un laboratoire dont les audaces, devenues bientôt réalité pratique, transformeront radicalement notre vie quotidienne. En appuyant sur un bouton, obtenir à volonté glace en cube, glace pilée, boisson chaude ou froide, et l'on prévoit pour plus tard leur distribution par pipeline. Flanqué de casiers élévateurs contenant tous les ustensiles nécessaires, le fourneau est d'une conception insolite. En marbre d'Italie, il a la propriété de cuire les aliments par chauffage à induction. Vous pourrez, madame, toucher la plaque où l'eau bout, elle restera froide pour vos mains. Mieux encore, dans un classeur, vous choisirez le plat que vous désirez. La carte perforée correspondante, introduite dans une machine, vous expliquera visuellement la recette, tandis qu'un calculateur électronique pèsera, dosera les ingrédients nécessaires et animera les robots chargés de la préparation. Les actualités françaises en 1957 qui évoquent l'an 2000. J'aimerais tellement avoir cette voix-là pour parler de l'an 2000. Pour la cuisine de l'an 2000, nous avons entendu énormément d'éléments cités qui, en réalité, de manière peut-être un peu différente, existent aujourd'hui. La livraison à domicile, l'ordinateur, alors qu'il était question de cartes perforées. Jean-Louis Cohen, dans votre étude sur l'architecture au futur, la vision que les gens du passé ont pu avoir de leur propre futur, quel aspect a été complètement oublié? L'aspect qui est resté, on peut l'imaginer, mais qu'est-ce qui a été complètement oublié? Je crois que ce qui a été à peu près bien pensé, c'est la dimension technique. Ce qui me semble avoir été totalement oublié, effacé, c'est la dimension poétique de l'acte d'habiter, par exemple, la dimension poétique des villes, ce qui nous attache à des villes et pas simplement à Venise ou à Bruges, qui nous attache même à New York aujourd'hui, voire à Los Angeles, c'est le charme des paysages. Et donc, pour moi, la faiblesse de toutes ces visions de l'avenir, c'est, je dirais, leur sécheresse, leur manque d'humanité. Au fond, pourquoi voyageons-nous aujourd'hui? Allons-nous quand nous le pouvons, c'est-à-dire quand nous le pourrons à nouveau, pourquoi aller ailleurs? C'est pour y voir des lieux qui nous touchent. Cette dimension humaine, elle a été évacuée, elle a été bannie de ces projections qui, dans l'ensemble, étaient dans l'ordre de la rationalisation, dans l'ordre de l'enthousiasme technologique. Et donc, ignorante de ce qui fait aussi que les hommes et les femmes se regroupent dans de grandes agglomérations. Et justement, pour illustrer votre propos, Jean-Louis Cohen, on pourrait prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Ce sont ces terribles hangars qui peuplent nos zones industrielles, qui sont des grands magasins, des grandes surfaces, parfois même des restaurants. Et là, nous voyons combien l'histoire, l'événement historique a une incidence sur l'architecture. Les guerres mondiales, notamment, ont mis en place ce qui, et j'ai découvert ça en vous lisant, les big box, ces grands hangars, qu'est-ce que c'est exactement? Alors oui, il est assez intéressant de voir que l'origine de ces grands volumes, elle est très précisément située dans l'Amérique des débuts de la Seconde Guerre mondiale, où on imagine des usines sans fenêtres, des usines qui doivent rester, qui ne doivent pas émettre de lumière la nuit pour ne pas attirer les éventuels avions de l'ennemi qui n'arriveront pas jusque-là, mais donc elles sont hermétiquement fermées et elles ne fonctionnent que grâce à la combinaison de trois technologies. La première, c'est celle des constructions légères en acier, donc l'enveloppe métallique. La deuxième, c'est la climatisation, l'air conditionné que l'on n'utilisait pas jusque-là à l'échelle de ces grands volumes. Et enfin, c'est l'éclairage fluorescent qui leur permet de fonctionner jour et nuit, qui jusque-là était essentiellement réservé aux néons publicitaires. Donc il y a, si on s'intéresse aux grandes inventions architecturales du XXe siècle, on n'y trouvera pas le gratte-ciel, qui est une invention qui s'opère à Chicago autour de 1880. On y trouvera sans doute l'aérodrome, puisque les avions n'existaient pas, mais surtout cette grande boîte, qui est, je pense, une des pour le meilleur et pour le pire, une des grandes contributions du XXe siècle à la production de l'architecture quotidienne. Oui, parce que ça, nous en voyons partout et il y a cette uniformisation même des paysages urbains ou en tout cas autour des centres des grandes villes avec ce manque de poésie évident, ce manque de poésie qui n'est pas du tout dans la conception de Yonah Friedman. Hein, Caroline Croze, vous nous l'avez bien dit, Yonah Friedman avait un monde très particulier. Vous le considérez plus près du poète que de l'architecte? Oui, oui, son univers est entre Jean Dubuffet, l'art brut, Kurt Schwitters, et puis tous les messages qui étaient inscrits sur les murs de son appartement incitaient justement les visiteurs que nous étions à beaucoup d'humilité, mais aussi un travail, si vous, qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais qui était essentiel aussi chez lui, un travail sur soi, un travail pour apprécier le quotidien, apprécier les petites choses. Il disait toujours les micro-joies sont plus importantes que les grandes joies. Il s'inspirait beaucoup des philosophies bouddhistes. Il était aussi dans une démarche holistique. Donc tout ça, c'est aussi un travail que l'individu doit faire. L'architecture peut proposer des solutions, mais en fin de compte, c'est l'individu qui est au cœur de la transformation et qui peut incarner cette transformation. Alors, on peut aussi citer comme expression d'incarnation de cette pensée le travail, comme je vois que l'heure tourne, travail architectural d'un architecte japonais. Je pense que Jean-Louis Cohen ne me contredira pas. C'est Sou Fujimoto, qui est un architecte quarantenaire japonais qui aujourd'hui construit beaucoup en France, qui a d'ailleurs installé son agence à Paris dans le 18e, qui vient de réaliser l'Arbre Blanc à Montpellier, mais qui a des commandes à Nice, et qui va réaliser, là, pour l'ouverture de la prolongation de la ligne 11, qui ira jusqu'à Rosny-sous-Bois, donc après Montreuil, il réalise, là, un projet absolument magistral, qui s'appelle la ville verticale, qu'il réalise entièrement en bois, avec deux architectes français exécutants, Nicolas Lenné et Dimitri Roussel, qui habitent Montreuil d'ailleurs, qui sont actifs à Montreuil, qui ont leurs agences à Montreuil. Et c'est une énorme ville verticale, comme la ville spatiale, entièrement en bois, avec des vues sur Paris, et qui incarne véritablement cette architecture ouverte dans laquelle les habitants pourront modifier à leur guise leur espace, avoir beaucoup d'espace ouvert, beaucoup de végétalisation. C'est une ville verticale qui sera aussi en autarcie avec des espaces pour le sport, des commerces. Alors malheureusement, on peut regretter, comme vient de le dire Jean-Louis Cohen, que aux environs immédiats de cette ville qui sera, je pense, assez belle, tout en bois, on trouve des centres commerciaux. Et oui, c'est le risque. Et on peut regretter aussi, Caroline Croze, je suis désolée, mais que le temps passe. Et puisque nous parlons du futur, le futur nous conduit tout de suite à la rencontre d'Anaïs Kien qui arrive vers nous avec son journal de l'histoire. Merci beaucoup, Jean-Louis Cohen. Merci beaucoup, Caroline Croze. On retrouve Anaïs Kien. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, comment s'est-on débarrassé du nazisme ? Régulièrement, l'Allemagne juge avec une couverture médiatique fidèle au rendez-vous d'anciens nazis. À croire qu'on n'en finira jamais avec la dénazification engagée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui est convoquée en relation avec ses convictions nazies devant les tribunaux. Franco A, officier allemand, nostalgique du nazisme, est jugé pour avoir projeté de tuer dans le but de déstabiliser la politique d'accueil des immigrés en Europe, avec dans son arsenal les armes attendues et un exemplaire de Mein Kampf. Si les nazis du Troisième Reich n'ont pas grand-chose à voir avec la revitalisation récente des groupes ultranationalistes outre-Rhin, la dénazification était déjà une opération insurmontable au moment de sa mise en place. C'est le sujet d'un documentaire de Michael Gamrasny, diffusé sur Arte dans la collection Les coulisses de l'histoire. Heinrich Nordhoff, classé parmi les principaux coupables à la fin de la guerre, est devenu directeur général de Volkswagen. Franz Six, ancien général de brigade SS dans les commandos d'extermination nazie, s'est reconverti comme publicitaire chez Porsche. Friedrich Flick avait exploité et tué dans ses usines 40 000 déportés. Son conglomérat industriel fera de lui le cinquième homme le plus riche du monde. Après leur victoire en 1945, les Alliés étaient résolus à désintoxiquer une population allemande nourrie de propagande nationale-socialiste. Mais comment juger les coupables sans condamner toute l'Allemagne ? Sous le Troisième Reich, le parti nazi comptait dans ses rangs le nombre astronomique de 8 millions d'adhérents, sans même y inclure les organisations de jeunesse et les simples sympathisants. Impossible de punir tout un peuple dont l'adhésion à la démocratie, version libérale ou version soviétique, devait garantir une paix durable. Pour désengorger les tribunaux et reconstruire, à l'Ouest, on efface les historiques individuels en distribuant généreusement des certificats persils illustrés dans le documentaire par une archive animée grinçante montrant les anciens admirateurs d'Hitler incarnés par des moutons noirs passés à la machine de la dénazification pour en ressortir en troupeaux de moutons blancs lavés de leurs affinités indésirables par millions. Le journaliste Stieg Dagermann écrit « L'Allemagne tout entière pleure ou rit devant la dénazification. Ces énormes moulins à papier, qui offrent le spectacle d'un accusé présentant une vingtaine de certificats de bonne conduite, tandis que les cas véritablement graves semblent disparaître par quelques trappes secrètes. » La dénazification totale est jugée inatteignable et les Alliés misent donc sur l'action symbolique. Le procès de Nuremberg juge les visages publics du nazisme qui exonèrent le reste de l'Allemagne. Après cette démonstration, le chancelier Konrad Adenauer déclare la dénazification achevée en 1949, tandis qu'à l'Est, des procès collectifs sont organisés pour condamner le nazisme, considéré comme l'ennemi essentiel du communisme aux côtés du capitalisme. À chaque purge des contestations naissantes, l'accusation de nazisme sera désormais utilisée pour disqualifier les ennemis du nouvel État socialiste allemand. La dénazification devient un outil de gouvernement à l'Est, tandis qu'à l'Ouest, on tente d'oublier sans avoir même soulevé la question du génocide des Juifs d'Europe, qui apparaît avec fracas aux yeux du monde en Israël, avec le procès Eichmann. Un procès lointain, mais médiatisé de manière inédite, qui sera le déclencheur de nombreuses vocations de chasseurs de nazis, à commencer par Beate et Serge Klarsfeld, combattants d'une dénazification sans État, jusqu'à la réunification des deux Allemagnes, qui n'ont alors pu que constater que la dénazification restait à faire. En effet, merci beaucoup Anaïs Kien. Merci à toute l'équipe du Cours de l'Histoire, une émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, il était une fois, demain, aux origines de la science-fiction.